Tout d'abord, merci à tous de votre présence. Et Caterina et moi-même, donc Thomas Bourgogibeau, sommes très heureux de voir aboutir ce projet qui nous tenait à cœur depuis quasiment peut-être un peu plus d'un an d'ailleurs, et dont je vais rapidement rappeler la forme et les enjeux. Mais avant tout, évidemment, je tiens à remercier les institutions qui concrètement ont permis la tenue de ce colloque et à travers elles les personnes qui les font vivre. En premier lieu, donc, l'équipe du Sofiapol, sociologie, philosophie, anthropologie, politique de l'Université de Nanterre, ainsi que l'école doctorale 139 de cette même université, le collège des écoles doctorales de l'Université de Paris de Sorbonne, et le laboratoire Nosophie, normes, société, philosophie, lui-même rattaché à l'équipe FICO, philosophie contemporaine de cette même université, Paris Sorbonne. Et donc, après l'invocation de nos divinités tutélaires, venons-en au sacrifice proprement dit. Alors, pourquoi s'interroger sur les normes et les institutions ? Il nous a semblé que se jouait, à travers ces deux notions, la question décisive du rapport de la théorie, de l'activité théorique, à ce qu'on peut désigner comme son dehors, ou peut-être comme son envers, à savoir les actions, ou plus généralement, l'existence. Dans la théorie, en effet, nous cherchons à définir les normes de la conduite individuelle ou collective. Mais c'est l'action et le rapport au réel qui s'y jouent, qui nous fait prendre conscience que ces définitions théoriques ne sont jamais en définitive que des esquisses plus ou moins opératoires. Sinon, nous n'aurions pas précisément à travailler sans cesse à redéfinir ces normes. Et il y a dès lors à s'interroger sur la manière de concevoir l'articulation entre la réflexion normative et l'action. Mais à cet égard, rien ne serait sans doute plus illusoire, me semble-t-il, que de croire qu'une telle articulation entre la réflexion et l'action puisse réellement se formuler, puisque ce serait, au fond, intégrer de force à l'intérieur du discours ce qui, dès le départ, en avait été exclu ou reconnu comme lui étant extérieur, et cette articulation serait donc, en ce sens, concevable, mais pas tout à fait formulable. Vous l'avez compris, notre intuition, au point de départ de ce projet, ne s'inscrivait pas tout à fait dans le cadre d'une théorie générale des normes, mais plus généralement dans celui d'une réflexion sur l'action par l'intermédiaire des principes qui orientent cette dernière. On pourrait dire en ce sens, par conséquent, que c'est la dimension symbolique des normes que nous voudrions interroger en tant que celle-ci n'engage pas seulement des actions individuelles, mais aussi et d'abord les relations sociales sur lesquelles ces normes font. Et c'est en ce sens, bien entendu, que la notion d'institution s'imposait aux côtés de celle de normes. Non pas sans doute, à vrai dire, à la manière d'une superstructure destinée à clore métaphysiquement et définitivement l'édifice général de nos représentations et de nos actes, mais plutôt, je parle évidemment sous le contrôle de Caterina, comme un outil heuristique destiné à nous orienter dans les interactions sociales et dans notre activité de réflexion. D'où finalement les différents axes que nous avons retenus. Comme indiqué dans le programme, nous aurons trois moments successifs qui consisteront tout d'abord, et ce matin, dans l'étude empirique des normes effectives de gouvernement, telles qu'elles peuvent être saisies aujourd'hui par le droit, et notamment par le droit public, et ce en particulier au moyen du paradigme concurrentiel qui fonde ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le droit de la régulation. Il s'agira en particulier de comprendre dans quelle mesure ces nouvelles normes juridiques entrent en conflit avec les conceptions traditionnelles des institutions publiques et comment un tel conflit peut être surmonté. L'enjeu, on le comprendra aisément, n'est pas mince puisqu'il s'agit dans une certaine mesure d'évaluer l'impact de ce que l'on peut appeler la mondialisation néolibérale sur les institutions publiques et de réfléchir aux mutations que ces dernières doivent affronter. Alors cette première prise de contact avec la réalité concrète de la vie des normes sera suivie dans un second temps, cet après-midi, d'une montée en abstraction et en généralité avec un passage, cette perspective essentiellement pratique, à un point de vue plus théorique sur les normes et les institutions juridiques en général. Différents exposés devraient nous éclairer sur la nature des normes juridiques et un débat portera en particulier sur la question de savoir si le concept d'institution, dans le cadre de la science du droit, recouvre effectivement une réalité dont la théorie juridique aurait à se saisir ou si son usage se révèle en fait pour une réflexion qui se voudrait bien fondée rationnellement à la fois inopérant et inopportun. Dans un troisième temps, enfin, nous monterons à nouveau, et si c'est encore possible, en généralité, de même que nous monterons les escaliers de la Sorbonne, pour entrer cette fois dans le champ de la philosophie sociale et politique, proprement dite, et nous nous interrogerons sur les enjeux généraux des conceptions, des normes et des institutions. Cette perspective sera pourtant moins théorique que pratique en un sens, puisque dans la mesure où les enjeux ne seront pas seulement épistémologiques, mais aussi et peut-être d'abord moraux et politiques. Ainsi, cette entrée dans le champ de la philosophie se fera-t-elle essentiellement à partir de quelques conceptualisations majeures de ce qu'on pourrait appeler l'institutionnalisation du social, qu'elle soit classique désormais chez Hegel ou Durkheim, ou plus récente chez Hayek, Luhmann et la théorie sociale de l'école de Francfort. Pour conclure sur ce parcours, il faut souligner, je crois, cependant, ces évidentes lacunes qui seront le prix à payer pour une certaine forme d'ampleur de son ambition. Évidemment, beaucoup de noms et beaucoup de réflexions auraient pu être mobilisés, qu'on songe, pour s'en tenir à la seule philosophie sociale et politique, aux apports de Castoriadis ou encore du Bourdieu, des recherches sur l'État qui viennent d'être publiées cette année. Tout le champ de l'anthropologie philosophique contemporaine, je crois, aurait pu également être mobilisé, ce qui aurait permis d'engager un dialogue nécessaire, sans doute, avec les entreprises actuelles dites de naturalisation de l'esprit. Cependant, la pratique, là encore, nous apprend que l'exhaustivité se révèle en tout cas difficile, voire impossible, et illusoire, et il ne nous reste donc qu'à compter sur la vivacité de nos débats pour pallier efficacement les inévitables manques de ce colloque. Nous aurons également à déplorer l'absence de dernière minute d'un de nos intervenants de cet après-midi, Christian Walter, et voilà, donc nous aurons un petit peu plus de temps. Néanmoins, les interventions demeureront, et nous serons vigilants sur ce point, limitées à une trentaine de minutes, malheureusement, de manière à ménager au moins un quart d'heure, ce qui nous semble un minimum pour la discussion. Voilà, alors s'il fallait donc synthétiser brièvement ce programme, on pourrait dire que nous examinerons d'abord les transformations actuelles des normes juridiques, ensuite les conditions de possibilité de leur conception, et enfin la nécessité pratique ou axiologique d'une réflexion sur les institutions. Alors, du réel au nécessaire en passant par le possible, à tout le moins aurons-nous parcouru la typologie ancienne de la modalité, ce qui, d'un point de vue philosophique, n'est déjà pas un mince résultat. Mais donc, place au droit, avec trois exposés ce matin, et j'appelle dans un premier temps Régis Lanneau.